Monsieur Macron déclare officiellement que l'OTAN a perdu la guerre en Ukraine. Il habille ça avec les mots. Monsieur Macron déclare aux Français, à l'OTAN, devant les militaires français, devant même son patron Biden, la guerre, si nous l'avons perdue. Et moi, président européen, là, maintenant, il parle comme président européen. Moi, je vais négocier. Quand ils sont allés dernièrement en Ukraine, il y avait les trois plus puissants de l'Union européenne, c'est-à-dire M. Draghi d'Italie, le chancelier Scholz et M. Macron. Vous savez ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont demandé en tout et pour tout à M. Zelensky qu'ils vont voir comment ils vont accélérer une procédure d'adhésion. La France a dit, je donnerai 6 canons César de plus. Bref, l'Europe a affirmé sa toute impuissance en venant devant M. Zelensky faire assumer ses discours. Afrique Média, le monde, c'est nous.